Bonjour et bienvenue dans la rediffusion audio de l'émission Autonomie, l'actu de la recherche, réalisée et produite par l'équipe d'animation du programme prioritaire de recherche Autonomie. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter est l'enregistrement d'un direct qui a eu lieu sur YouTube. Vous trouverez dans la description de cet épisode toutes les informations sur ce format, ainsi que des ressources complémentaires. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour en apprendre plus sur nos activités et découvrir encore davantage la recherche sur l'autonomie. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Autonomie, l'actu de la recherche, produite et réalisée par l'équipe d'animation scientifique du programme prioritaire de recherche Autonomie, qui est piloté par le CNRS. Je suis Laure Saint-Côty, responsable de la communication et de la valorisation scientifique. Je serai votre hôte ce soir, accompagnée de notre régisseur Marcel, qui s'assurera que tout se passe bien du côté de la technique. Côté interprétation LSF France, nous avons avec nous les équipes de SILS Interprète et comme pour la première émission, le sous-titrage sera retravaillé en post-production pour permettre une meilleure accessibilité de notre contenu. J'ajoute que les habillages que vous voyez dans ces émissions ont été créés par Jojo de Bleu Renard Studio. Et quant à vous, spectatrices et spectateurs, vous êtes avec nous par le chat et en commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions et à discuter. La première partie de cette émission sera consacrée à la présentation du livre d'Olivier Gross « Vers une modélisation de l'autonomie » récemment paru chez Douin. La seconde partie de l'émission prendra davantage la forme d'une table ronde et nous accueillerons trois autres invités. Donc Anne-Geneviève Wallick, enseignante spécialisée travaillant auprès d'enfants autistes en école maternelle, formée à l'Institut National Supérieur Formation et Recherche, Handicap et Enseignement Adapté. Laetitia Rebord, père aidante et formatrice spécialisée dans l'accompagnement à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Et Éléonore Segar, chercheuse associée à la chaire Engageons des patients, l'EPS, spécialisée dans le transfert des innovations dans le domaine du handicap. Sans plus attendre, on va commencer. Marcel, est-ce que tu peux faire entrer Olivia, s'il te plaît? Merci. Donc, bonsoir Olivia, je suis très contente de te recevoir ce soir pour parler de ton travail de synthèse et de modélisation de la notion d'autonomie. Avant de commencer à entrer dans les détails de ton livre, je vais te présenter un petit peu et puis tu compléteras si tu vois qu'il manque quelque chose. Tu es maîtresse de conférences, habilitée à diriger les recherches en sciences de l'éducation à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Et titulaire de la chaire de recherche Engagement des patients. Le but de cette chaire, c'est de chercher à comprendre comment l'engagement des usagers des services de santé peut permettre de promouvoir la santé et de construire un meilleur système de santé, des institutions et des pratiques en santé plus justes. Et tu es d'ailleurs l'autrice d'un ouvrage à ce propos, donc « L'engagement des patients » au service du système de santé, paru chez Douin en 2017. Actuellement, tu es également la porteuse du projet de recherche Atori, qui fait partie des lauréats du PPR Autonomie et qui interroge la notion d'autonomie lorsqu'elle est utilisée dans le contexte de l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, donc principalement les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Le projet s'intéresse plus particulièrement aux pratiques d'accompagnement et à leur amélioration. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette petite présentation ? Non, c'est parfait, si ce n'est te remercier pour ton invitation et puis saluer voilà, l'ensemble des participants. Eh bien, merci à toi, c'est avec grand plaisir. Donc, je vais présenter un petit peu ton livre. Et avant de te demander d'entrer en toi-même dans les détails, donc le livre, c'est, je répète le titre, « Vers une modélisation de l'autonomie ». C'est un ouvrage de synthèse qui propose un tour d'horizon des définitions et des usages de la notion d'autonomie en fonction des différents secteurs dans lesquels elle est utilisée. Le secteur sanitaire, celui du handicap, celui du grand âge et celui du social. Donc ce sont quatre secteurs où la notion d'autonomie est importante parce qu'elle est mobilisée dans le cadre de l'accompagnement de personnes en situation de vulnérabilité. Le problème, c'est que il y a de nombreuses définitions de l'autonomie, de nombreuses manières de la comprendre et de la mettre en œuvre, ce qui crée un flou assez néfaste pour les pratiques et pour les personnes accompagnées. D'où l'idée de ton livre, qui est de faire le point sur ces définitions et sur leurs usages, de montrer leurs limites et leurs apports, comment ils se recoupent ou non. Donc maintenant, on va présenter ton travail un peu plus précisément, afin qu'on puisse tous et toutes bien comprendre le contexte dans lequel tu as construit ce travail, les questions et les méthodes qui l'ont guidé, la littérature scientifique qui l'a accompagné et les conclusions auxquelles tu es arrivé. Donc, pour ce faire, je vais te poser quelques questions et j'invite de nouveau les spectateurs et spectatrices à poser les leurs si ils et elles le souhaitent. Donc, pour commencer par une question un peu de contexte, je voudrais qu'on commence par évoquer le contexte d'écriture de ton livre. Donc, pourquoi est-ce que ça a été important de faire le point sur cette notion et sur les pratiques qui lui sont associées? Bon, déjà, il y a un contexte de fond que tu viens de rappeler, hein, voilà, l'autonomie qui est ce concept un peu insaisissable et du coup, voilà, réinterprété très différemment selon les uns et les autres. Mais moi, personnellement, je dirais qu'il y a eu trois facteurs qui ont vraiment joué. Ça fait longtemps que je constate effectivement que les pratiques professionnelles s'y réfèrent, s'y adossent, y adossent leurs interventions. Mais j'avais un goût de trop peu, en fait. J'avais l'impression qu'on était loin des fondamentaux et des revendications des usagers et des personnes accompagnées et que ça s'était un peu perdu en cours de route. Donc moi, pour moi, il était très important de faire cohabiter dans ce livre aussi bien les discours professionnels et les pratiques professionnelles que les aspirations des personnes de les mettre vraiment au même niveau. Et j'avais aussi pour objectif de produire aussi une analyse critique des discours dans le but de réinterroger certains automatismes de pensée et de chercher à en dévoiler les implicites et aussi dans certains cas les ambivalences. Le deuxième déclencheur, ça a été ma découverte récente des pratiques dans le médico-social. Je connaissais très bien le sanitaire. Mais j'ai découvert seulement récemment le médico-social, notamment grâce au projet Atori sur lequel je travaille, que tu mentionnais. Et je me suis rendu compte immédiatement que les logiques, les référentiels étaient très différents de ce que j'avais pu croiser dans le sanitaire. Et ça m'a paru absurde. Ça m'a paru absurde parce que, aujourd'hui, on parle parcours. On cherche à décloisonner, on parle continuum de la santé, c'est-à-dire les personnes passent d'un état à l'autre, souvent ce sont même les mêmes personnes. Prenons les personnes âgées par exemple, elles ont souvent une ou plusieurs maladies chroniques, elles souffrent de handicap, et puis si tel est le cas, malheureusement elles vivent aussi dans la précarité. Donc les personnes sont les mêmes. Mais je me disais que les professionnels avaient découpé les choses et portaient des interventions ou des pratiques différentes. Donc, je me suis dit qu'il y avait vraiment du sens à aller explorer ces différences et puis aller aussi, pourquoi pas, repérer les meilleures pratiques et voir ce qui pouvait être utile dans les autres domaines. Et le troisième facteur, c'est, je vais être honnête avec toi, avec tout le monde. J'avais travaillé sur l'accompagnement à l'autonomie en santé, puisque j'avais été chargée de créer le cadre évaluatif d'une politique nationale publique. Et à l'époque, ce qui s'était passé, c'est que le promoteur de cette politique avait initialement voulu que ce soit l'accompagnement à l'empowerment et pas à l'autonomie. Et ça n'avait pas été possible parce que dans le cadre d'une politique nationale, il ne pouvait pas utiliser un terme anglophone. Du coup, il s'était rabattu sur l'autonomie. Mais quand il m'a dit ça, ça m'avait un peu arrangé parce que j'avais du coup construit mon cadre évaluatif autour de l'empowerment plutôt que de l'autonomie. Parce que le concept d'autonomie, je savais hein, au fond que, voilà, je savais ce qu'il en est dit, hein, que c'est un concept vraiment insaisissable. Voilà. Et là, avec la Tori, et puis aussi parce que c'est malgré tout un concept voilà, qui m'est très cher. Parce que ce que tu n'as pas dit aussi dans ce qui n'a pas été dit là dans la biographie me concernant, c'est que je viens du mouvement associatif, je viens des j'ai pendant 20 ans été associative avant d'ailleurs d'être universitaire. Donc c'est un sujet, l'autonomie, qui m'est vraiment précieux. Et voilà, donc tout ça, ça a fait que je me suis dit que c'était vraiment le moment pour m'y confronter et j'ai ressenti un besoin vraiment d'aller voir de ce dont il était question. Et d'ailleurs, tu as mentionné tout à l'heure mon livre précédent, et mon livre précédent, c'était pas du tout la même démarche. Dans mon livre précédent, je voulais montrer à voir l'engagement des personnes, je voulais montrer à voir ce que ça pouvait apporter au système de santé, qui est des pères aidants, qui est des personnes qui s'engagent dans l'enseignement et dans les formations initiales. Voilà, je voulais montrer tout ça. Non, là, je voulais moi-même, en fait, savoir quoi penser et de l'autonomie. Et d'ailleurs, j'ai mis en exergue de mon livre une citation, qui est une citation de Michel Foucault, qui est la suivante. Si je devais écrire un livre pour communiquer ce que je pense déjà, avant d'avoir commencé à écrire, je n'aurais jamais le courage de l'entreprendre. Je ne l'écris que parce que je ne sais pas encore exactement quoi penser de cette chose que je voudrais tant penser. Et bon, ben, si Foucault, c'était bon pour Foucault, je pense que voilà, j'ai pu m'autoriser à faire la même chose et à penser en écrivant. Enfin, en tout cas, ça a été mon moteur. Merci beaucoup. On va rentrer un peu dans ton travail. Je voudrais savoir, comme c'est un travail de synthèse qui est assez exigeant, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont tu as procédé, sur les sources que tu as mobilisées pour le réaliser? C'est un travail de synthèse, effectivement, et qui est particulièrement pluridisciplinaire. Alors, pas seulement parce que j'ai scindé le livre dans les quatre parties que tu as rappelées, hein, sanitaire, médico-social, handicap, médico-social, grand âge et social, mais parce que du fait déjà du concept de l'autonomie lui-même, qui est un concept qui est au départ philosophique. Qui donc touche à tout ce qui est philosophie morale. C'est ensuite un principe qui a innervé l'éthique médicale. Donc il a fallu que je regarde ça aussi. Mais c'est aussi hein, comme voilà un concept qui s'est actualisé à partir des revendications des usagers et des personnes accompagnées. J'ai évidemment regardé de près aussi de la littérature grise à ce sujet-là et de la littérature scientifique. Ces revendications des usagers, elles s'est ensuite actualisées dans le milieu biomédical, dans un premier temps avec le droit à disposer de son corps, voilà, et puis avec différentes règles, normes en bioéthique. Et puis, plus tardivement, c'est devenu un guide pour l'action professionnelle, avec un peu une double visée hein, de respect d'autonomie et de promotion de l'autonomie. Et puis aujourd'hui, elle est mobilisée dans le cadre des politiques qui s'appuient sur l'autonomie pour organiser sur le plan structurel les accompagnements des personnes accompagnées. Donc on voit bien que ça voilà qu'il faut aller voir dans j'ai dû aller voir dans beaucoup de littérature dans un objectif je dirais dans un double objectif retracer l'histoire du concept d'autonomie et dans le cadre de ce que j'appelais tout à l'heure le continuum hein, de la santé et puis décrire les discours qui invoquent l'autonomie. Dévoiler les implicites et décrire les usages. Donc voilà, donc Ça m'a donc amené forcément à aller puiser, certes dans la littérature scientifique, beaucoup, dans la littérature professionnelle aussi, dans la littérature grise, des avis du Comité national d'éthique, des guides, des rapports, également dans la littérature juridique, hein. Et puis, j'ai regardé aussi toutes les productions qui émanaient des personnes concernées, évidemment. Alors tout ça, ça s'apparente, c'est connu aussi, hein, ça s'apparente à ce que Lévi-Strauss et Michel de Certeau appelaient du bricolage, c'est-à-dire de l'assemblage de données hétéroclites. Mais je pense que c'était le bon choix parce que je voulais vraiment allier théorie, pratique, discours, revendication et tout ça au même niveau. Donc au final, je mobilise 332 références et je pense que c'est une des forces de ce livre parce que c'est en effet un exercice de synthèse puisque le livre il ne fait lui que 220 pages. Et voilà, c'était une de ses forces, je pense, que de donner à voir toute cette littérature. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même, c'est très dense tout ça. Ça fait beaucoup à appréhender. Donc encore bravo pour ce travail. Pour passer à la suite et à la question de la notion d'autonomie, une partie du problème de la notion d'autonomie, tu le dis, c'est la diversité des phénomènes qu'elle désigne et la façon dont elle est parfois confondue avec des termes et des phénomènes, on va dire, connexes. Tu mentionnes notamment l'autonomie morale, l'autonomie émotionnelle, l'autonomie relationnelle, l'autonomie pratique, l'autonomie décisionnelle, l'indépendance, l'autosuffisance, l'autodétermination, l'autoréalisation, l'empowerment. Est-ce que tu peux donner quelques précisions sur cette déclinaison de la notion d'autonomie et sur les termes voisins dont il est important de l'en distinguer? Donc, de manière peut-être succincte, parce qu'après on va rentrer un peu dans les détails, mais juste montrer un peu à voir cette grande galaxie, la façon dont elle s'étale un peu. J'hésite à le faire sous forme de un peu de catalogue de définition parce que ce serait vraiment, je pense, pas vraiment audible. Mais et puis c'est vrai qu'en plus nombreuses sont les conceptions, les définitions. Mais en fait tout ça n'est pas étonnant parce que déjà c'est aussi un champ de pratique et de recherche qui n'est pas si consensuel que ça. En plus. Donc ça ajoute encore de la complexité, parce que même la notion d'autonomie en elle-même fait l'objet de nombreuses critiques. Et je pense qu'il y avait et qu'il y a encore urgence à construire des contre-discours face à ces critiques, parce qu'elles risquent de dévaloriser l'autonomie. Et peut-être ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure et j'aurais dû, j'espère aussi que mon livre contribue à ça. Donc je vais répondre hein, bien sûr à ta question, Laure, mais je propose de le faire en explorant les critiques dont fait l'objet l'autonomie. Et au fil de mon discours, je vais aborder certaines de ces types d'autonomie. D'abord, il y a des critiques qu'on entend qui émanent de personnes qui pointe, il y a un risque que le droit à l'autonomie devienne un devoir d'autonomie. Ce qui me gêne, c'est que ceux qui disent ça, ils proposent rien d'autre, hein, si ce n'est que d'évacuer la notion d'autonomie, tout court. Si on se rappelle que l'autonomie, enfin, l'aspiration à l'autonomie, les revendications autour de l'autonomie, elles viennent du refus des pratiques infantilisantes, eh ben, dès lors, s'il y a un devoir, il n'est plus du tout pour les usagers, c'est un devoir pour les professionnels. Donc le risque qu'il souligne me paraît pas réel. Et d'autant plus que le devoir d'autonomie, ça résiste pas à l'analyse dès lors que on convoque le principe d'autonomie, parce que ça veut dire que libre à chacun d'accepter ou de refuser un devoir. Donc là aussi. Ou même de prioriser certains types d'autonomie et pas d'autres. Voilà, c'est ça l'autonomie. Donc, je ne pense pas que ce risque soit possible. Alors, je me suis posé plein de questions hein, en écrivant. Je me suis même demandé si le refus de l'autonomie pouvait être considéré comme de l'autonomie. Et dès lors, si ce refus d'autonomie devait être accepté. Alors, ça m'a conduit à relever qu'il existe des préférences adaptatives, c'est-à-dire qu'il existe des personnes qui ont appris à ne pas préférer, parce que pas grand-chose leur était accessible. C'est ça, les préférences adaptatives. On s'adapte à avoir peu de préférences. Et je me suis demandé si ce qu'il fallait faire quand on était voilà, confronté à ces situations, si par respect de l'autonomie, il faut laisser faire ou s'il faut tenter autre chose. Et j'en ai conclu que on pouvait respecter ce type de refus, mais quand même dans une limite. Et là, j'en ai appelé à l'hétéronomie, ce qui est un peu l'opposé de l'autonomie, c'est la limite des droits humains. C'est-à-dire, voilà, il faut le respect de la dignité humaine doit quand même être invoqué. Le deuxième risque, enfin le deuxième critique, c'est de la part concernant l'autonomie, c'est toutes les personnes qui craignent que l'autonomie soit une valeur qui fasse le lit d'un individualisme débridé. Voilà, tous ceux qui pointent le côté néolibéral de l'autonomie. Alors, je vais vous le dire tout de suite, je ne suis pas du tout d'accord avec cette opinion. Parce que bah, une personne autonome, c'est une personne qui vit selon ses valeurs, ce qui compte pour elle. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui feront le choix de l'individualisme, mais il y en a plein d'autres qui feront le choix de l'altruisme, qui feront le choix de la reliance. Donc, je n'oppose pas du tout l'autonomie à la reliance ou à l'altruisme. Pas plus d'ailleurs que je n'oppose l'autonomie et le fait de dépendre de ressources. Et ça vaut aussi pour l'autonomie décisionnelle. C'est-à-dire que c'est pas parce que on sollicite des tiers de confiance pour nous aider à prendre une décision que notre décision n'est pas autonome, puisque les tiers de confiance ont été choisis librement. Donc cette idée aussi, je la conteste. Alors le troisième débat, là c'est peut-être moins des critiques, mais c'est plus un débat et qui est d'ailleurs assez vif. Il porte sur le care. Pour les uns, le care et l'autonomie sont forcément interreliés, et tandis que pour d'autres, ils s'opposent complètement. Parce qu'ils estiment que le care, c'est la sollicitude, la bienfaisance, la protection des personnes, et que ça se fait souvent à leur insu, et parfois même, on cherche à les protéger d'elles-mêmes. Donc pour ma part, je pense qu'il est difficile d'articuler le care et l'autonomie, mais en tout cas, que ça réclame une vigilance particulière. C'est-à-dire qu'il faut passer du prendre soin à prendre soin de l'autonomie des personnes. Et puis, je pense aussi, alors malgré tout, en tout cas, qu'il y a peut-être dans la vie des moments pour le care et des moments pour l'autonomie. Voilà, je questionne quand même là-dessus. En tout cas, je veux ni rejeter le care, parce que bien sûr qu'on en a besoin, un gros point de vigilance. Ensuite, je remarque deux notions qui font l'objet d'un profond rejet par les professionnels de ce secteur. Et ça ne manque pas de m'interroger parce que ces deux notions qui sont l'opposé l'une de l'autre, c'est la dépendance et l'indépendance. La notion de dépendance, elle est de plus en plus évacuée des discours. C'est comme ça d'ailleurs qu'on parle des politiques de l'autonomie, alors que franchement, il est plus question de la politique de la gestion des dépendances que de la politique vraiment de l'autonomie, hein, quand on voit ce qu'elle gère. Et on dirait qu'il y a une volonté un peu d'invisibiliser ces dépendances, ce qui me paraît déjà faux, tout simplement. Et puis ce rejet, il se répercute au niveau des pratiques professionnelles. Et en fait, il a émergé deux notions pour qualifier les relations de soins, la notion d'interdépendance et la notion d'autonomie relationnelle. Alors je sais hein, d'où nous vient la relation d'interdépendance. Elle vient des théoriciennes du care qui l'ont d'abord identifiée au sein des familles. Je veux bien que dans une famille, il y ait de l'interdépendance. Mais dans les relations de soins ou d'accompagnement, il y a quand même un des deux protagonistes qui est plus dépendant que l'autre, quoi. Le nier, enfin, je pense qu'on peut pas, on peut pas le nier. Et surtout, le nier, ben, je sais pas, je me dis que ça sert pas à faire en sorte que les dépendances, que je pense qui existent, ne fassent pas le lit de rapports maltraitants. Quant à l'autonomie relationnelle, pareil, hein, c'est un terme qui tend à se substituer aux relations d'accompagnement. Moi, je trouve que c'est une très très jolie notion, mais qu'il faut la réserver aux relations qui sont vraiment au service de l'autonomie des personnes, que ce soit aux relations familiales, affectives, et évidemment les relations d'accompagnement. Voilà, donc ce doit être celles qui sont au service d'autonomie des personnes ou qui ne portent pas du tout atteinte au sentiment d'autonomie des personnes. Alors je disais que l'indépendance fait également l'objet d'un profond repoussoir. Et d'ailleurs, les professionnels de l'accompagnement, ça s'applique toujours hein, quand on les rencontre, dans un premier temps, quand on leur demande à définir l'autonomie, à dire ce n'est pas l'indépendance. Bon, je suis un peu soupçonneuse, je me dis, ils sont en train de créer un espace pour leur propre rôle, sans doute. Mais bon, ça c'est moi. Non, la raison qu'ils mettent en avant, c'est que ça pourrait conduire à abandonner les personnes à leur propre sort. Ou alors qu'il faudrait surtout pas les hyper-responsabiliser. Bon, moi je pense qu'il faut distinguer la responsabilisation de la responsabilité. La responsabilisation, c'est sans doute en effet quelque chose qui est peut-être exagéré, mais je ne suis pas du tout gênée par la notion de responsabilité. Et en fait, elle me semble même cohérente avec l'idée d'avoir la main sur son destin. Qui est pas loin de la définition principale hein, de l'autonomie, qui est pouvoir contrôler, être maître de sa vie et contrôler sa destinée. Et puis, voilà, la dernière idée, c'est peut-être quand même distinguer la notion d'indépendance de celle d'autosuffisance, en effet. Voilà, autant l'indépendance. Est important et chouette. Enfin, on parle d'indépendance d'esprit. L'indépendance de vie est un horizon à atteindre hein, pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Mais l'autosuffisance est effectivement certainement pas, je pense, un idéal à viser dans toutes les situations. Bon, déjà, l'être humain est effectivement, de manière générale, incapable hein, de vivre de manière autosuffisante. Mais je le redis, l'indépendance, voilà, ça reste un idéal. Pareil sur le plan financier. L'autonomie financière ne renvoie pas à l'autosuffisance. C'est pas de l'autosuffisance, c'est pas le fait, l'autonomie financière, de générer tout seul ses propres revenus. Voilà, l'autonomie, on est autonome financièrement, voilà, même si on a, enfin, voilà, c'est pas les sources de revenus, c'est-à-dire c'est les allocations, des droits, voilà. Non, on qualifie d'autonomie financière le fait d'avoir des revenus qui permettent à la personne de mener la vie qu'elle est en droit d'avoir. Voilà. Donc, ce que cette dernière exemple montre, c'est que l'autonomie renvoie pas toujours ou pas forcément à un état individuel, ni à des capacités individuelles, mais ça intègre aussi tous les enjeux relatifs à l'accès effectif à des droits humains et à des biens humains. Par exemple, il en va de même pour l'autonomie sexuelle et reproductive. Voilà, si on invoque l'autonomie dans ce cadre-là, c'est pour signifier que c'est compliqué d'accès. Voilà, c'est pas forcément les capacités intrinsèques de la personne qui l'empêche d'avoir des relations sexuelles et d'avoir des enfants. Mais c'est le poids d'interdits sociétaux, familiaux, institutionnels. Voilà, au point d'ailleurs qu'il a fallu légiférer pour en faire un droit des personnes. Marquez, vous me direz, il a aussi fallu légiférer pour faire de l'autonomie décisionnelle un droit des personnes. Hein. Voilà, même le consentement, voilà, je vous rappelle que le consentement à la recherche, c'est-à-dire au fait de consentir à être presque découpé en morceaux. Voilà, il a fallu légiférer pour que ça passe par le consentement des personnes. Et puis, c'est pas si vieux, hein, c'est 88. Bon, après, la loi de 2000, les lois de 2002 qui ont renforcé le, enfin, qui ont actualisé le consentement et l'information ailleurs. L'autonomie décisionnelle, c'est important parce que c'est. Oui, je crois que je parlais de l'autonomie décisionnelle. Et en plus, j'ai à cœur d'en parler parce que c'est vraiment là qu'est la première aspiration, je crois, des personnes en réaction à l'infantilisation dont elles font l'objet. Et puis, c'est ce qui permet aussi de s'opposer aux pratiques directives. C'est ce qui fonde aussi qu'on puisse exprimer des préférences individuelles. Et puis, oublier, voilà, l'importance majeure de l'autonomie décisionnelle, ben c'est risquer de s'approprier l'autonomie à d'autres fins, et notamment de contrôle de comportement des personnes. Alors Donc, pour faire oui. dans le champ du handicap, la notion d'autonomie tend à se confondre de manière générale, hein, pas seulement en ce qui concerne l'autonomie décisionnelle d'ailleurs, avec la notion d'autodétermination. C'est très bien, c'est là où je voulais qu'on aille. Ah. Tu peux continuer. Non, non, mais les grands esprits se rendent compte, ça c'est signe que ça tombait un peu, que ça, voilà, qu'il fallait que j'en parle là. Et c'est une très très belle notion, que cette notion d'autodétermination, évidemment, même si ça ne devrait pas recouvrir tous les types d'autonomie. Mais j'ai été surprise de réaliser, alors là, en plongeant dans la littérature scientifique et théorique, j'ai été surprise de réaliser que les définitions données par nos intellectuels, ou données même par la Haute Autorité de Santé, étaient très très loin de ce que. De ce que mettent dedans les personnes concernées. La Haute Autorité de Santé, elle assigne quatre impératifs à l'autodétermination. Je vais vous les lire. Faire des choix, être confiant dans sa capacité à exercer un contrôle sur sa vie. Jusque-là, tout va bien. C'est après que ça se complique. S'auto-réguler, soit évaluer les conséquences de ses décisions avant de les prendre. Et connaître ses forces et agir en conséquence. Donc vous voyez à quel point on tombe dans une autonomie substantive, c'est-à-dire une autonomie sous condition, et des conditions que aucun d'entre nous vivons sous ces modalités-là. C'est-à-dire qu'on demande aux personnes, avant que d'agir, de savoir si elles sont capables d'agir. C'est complètement absurde. On ne sait jamais avant de faire. On apprend, et puis souvent on apprend en faisant. Et puis même si on fait des erreurs, on modifie, on fait des essais-erreurs. Mais on ne dit pas aux personnes, avant de faire, est-ce que tu penses que tu es capable? Moi, j'aurais rien fait dans ma vie si j'avais dû estimer d'abord si j'étais capable de le faire. Donc, je pense qu'il est vraiment important de complètement décorréler l'autonomie décisionnelle de l'autonomie pratique, du faire. Ça n'a aucun sens. Ne serait-ce aussi que parce qu'il y a des décisions qu'on prend qui n'appellent aucun savoir agir. Je peux décider d'aller me faire opérer et c'est pas moi qui vais m'opérer. Donc on devrait vraiment décorréler les décisions de l'action. Ensuite, il y a un autre type d'autonomie dont on pourrait parler, qui me semble quand même intéressante à considérer. C'est l'autonomie volitive, c'est l'autonomie de la volonté. C'est l'idée que pour assurer une forme de permanence identitaire, on a besoin de répéter au quotidien les mêmes décisions. Voilà, on a besoin de cette force de volonté qui nous pousse. Voilà. Bon, par exemple, j'ai décidé de faire des études et j'ai la volonté tous les jours de refaire la même décision. J'ai décidé. Bon. Bon, ça me semble important parce qu'autrement, on prend des décisions, certes, mais on vit dans l'inconstance et puis sous le gré de pulsions qui nous dominent. Alors, autant je pense qu'il faut bien sûr conserver le droit au changement de cap, évidemment, mais je pense quand même qu'il faut se méfier de l'inconstance qui ne permet pas de devenir ce qui est le but de l'autonomie, qui on est vraiment. Et ça, en fonction évidemment de ce qui compte pour soi. Voilà, donc au fil là, on a quand même parcouru pas mal de types d'autonomie, hein. J'ai évoqué l'autonomie morale, décisionnelle, volitive, pratique, sexuelle, reproductive, financière. Je m'aperçois quand même que je n'ai pas parlé de l'autonomie sociale, qui est un enjeu crucial dans le social et dans le handicap, qui renvoie à la construction des liens sociaux et à l'exercice plein et entier de la citoyenneté. Donc cette forme d'autonomie aussi, bien sûr, a sa place. Et puis je pourrais aussi évoquer, et puis après on aura fait le tour, hein, le concept d'autonormativité de Canguilhem, qui me semble important. C'est l'idée qu'un tiers extérieur ne peut pas estimer le bien-être d'une personne. Parce que selon ses propres normes, eh bien, la personne peut se sentir bien, alors que vu de l'extérieur, elle a tout pour aller mal, ou l'inverse, évidemment. Autonormativité qui peut être pratique, hein, dans les savoir-faire. C'est-à-dire, j'ai développé des savoir-faire très originaux et que d'autres n'ont pas. Et elle peut être aussi émotionnelle. Donc, tu parlais tout à l'heure de l'autonomie émotionnelle. C'est quelque chose qu'on ne croise jamais et je pense faire là une proposition originale. Mais je pense que c'est important parce que les émotions, quand elles ne sont pas là où elles sont attendues par les professionnels, quand elles ne sont pas sous la forme, un peu une forme assez cadrée en général, ça participe souvent du discrédit des personnes. Donc, je pense qu'il était important de rappeler que l'autonormativité peut aussi se placer sur le plan émotionnel, qu'une personne peut réagir émotionnellement de manière singulière, inattendue, en fonction de sa personnalité. Donc, oui, on peut arrêter là si tu La liste est longue des veux. définitions de l'autonomie. En fait, je voudrais qu'on aille un peu sur la. Tu l'as un petit peu effleuré tout à l'heure, mais sur ton concept du paradigme des mobilités, puisque tout au long de ton livre, il apparaît de manière un peu discrète, mais on voit que c'est une notion importante pour toi, les mobilités au pluriel. Et tu expliques que tu voudrais en faire un paradigme pour. Accompagner, guider les pratiques d'accompagnement. Est-ce que tu peux définir ce que cette notion pour toi, comment tu voudrais la voir évoluer et impacter un peu les différents secteurs de l'autonomie? Oui, en effet, je pense que ce serait enrichissant de convoquer la grille de lecture voilà, des vies des personnes par les mobilités. Et ça, à plus d'un titre. Alors, par mobilité, hein, bien sûr, j'entends le contraire de l'immobilisme. L'immobilité, c'est quoi? C'est des... Donc, l'immobilité, là. C'est quoi? Ben, c'est des vies qui piétinent sous l'effet des déterminismes. Je suis née ici, j'y reste, hein, dans cette même catégorie sociale, et je mène à la vie, et je mène la vie à laquelle on aurait pu s'attendre. Il y a beaucoup de déterminisme qui pèse encore sur les personnes en situation de handicap, du fait des barrières à l'emploi, donc à l'autonomie financière, des difficultés d'accès à l'autonomie sociale, des freins qui empêchent l'accès à l'autonomie sexuelle et reproductive, des lieux de vie imposés. Il y a aussi des contraintes organisationnelles multiples qui ne permettent pas aux personnes d'accéder tout simplement dans la vie de tous les jours à l'impromptu. Vous voyez, on vous dépose quelque part, vous avez quelqu'un qui vous dépose, qui vient vous rechercher à telle heure. Eh bien, vous ne pouvez pas être ouvert à des rencontres inattendues. Or, l'impromptu, c'est parfois le sel de la vie, mais c'est aussi des nouvelles rencontres et puis des nouvelles opportunités et vous n'accédez pas à tout ça. Au contraire, la mobilité, bon, d'abord, je pense que c'est vraiment intrinsèque en fait au concept d'autonomie. Pourquoi? Parce que l'autonomie, c'est la production d'un soi authentique, ce qui est l'œuvre d'une vie, hein, bien sûr, pour nous tous. Ça nous oblige à réexaminer en permanence nos valeurs dans la vie, nos objectifs. Et ça évolue dans la vie, on bouge. Et puis aussi, par autonomie, on entend quoi? On entend liberté. Et de ce fait, s'autonomiser, ça revient à lutter contre tous les déterminismes qu'on peut avoir, déterminismes qui nous figent dans des destins prédéterminés. Donc l'individu autonome, c'est l'individu qui se positionne par rapport au déterminisme qui pèse sur lui, qui doit pouvoir choisir s'il le souhaite de s'en affranchir, et si tel est le cas, il doit avoir la possibilité de le faire. Si on met dans le scope de l'autonomie l'accès des droits communs comme à l'éducation, alors ça doit tenir ses promesses aussi, hein. Les personnes doivent pouvoir avoir des évolutions sociales significatives. Donc, comme je disais tout à l'heure, les mobilités à l'heure actuelle, elles sont entravées par vraiment de nombreux freins. Les situations piétinent, les vies des personnes aussi. Et je pense que l'analyse par les mobilités permet de vérifier si toutes les améliorations, enfin, si les améliorations que les politiques font en termes d'accessibilité, pour peu qu'elles en fassent, enfin, elles le font lentement, mais en tout cas, ça permet de voir leur impact sur la vie des personnes. Vous voyez, c'est une chose de mettre en place des améliorations d'accès, mais qu'est-ce que ça change réellement dans la vie des personnes? Je pense qu'une analyse de l'impact des politiques par les mobilités pourrait permettre de vérifier si les personnes handicapées accèdent et dans quelle mesure aux mêmes mobilités que chacun d'entre nous. Pour le dire très crûment, est-ce qu'elles arrivent à quitter le foyer familial? Est-ce qu'elles arrivent à voyager? Est-ce qu'elles arrivent à changer de région, de travail, de métier, de conjoint, de logement, de catégorie sociale? Voilà. Donc je pense que penser les choses par les mobilités, permet de prendre conscience de tous ces enjeux et ça permet de scruter l'évolution des possibles pour que les personnes puissent s'auto-réaliser finalement. Ok, alors du coup, on va finir cette première partie avec une présentation de ton travail de synthèse, parce qu'à la fin de ton ouvrage, tu as une proposition de modélisation de la notion d'autonomie que tu entends être transsectorielle, c'est-à-dire pouvoir être saisie par l'ensemble des acteurs et actrices des secteurs du sanitaire, du handicap, du grand âge et du social, afin de faire évoluer les pratiques. Je voudrais que tu nous présentes cette modélisation et pour ça, je vais demander à Marcel de l'afficher à l'écran. Donc, tu ne la verras pas, toi, Olivia, depuis la chambre de discussion, mais je pense que tu l'as quand même à l'esprit. C'est bon? Très bien. Donc, actuellement, donc, t'as ton schéma est affiché. Est-ce que tu peux le présenter un petit peu pour qu'on voit ce que tu entendais par modélisation et comment tu l'envisages? Alors peut-être rappeler d'abord qu'une modélisation, ce n'est pas un modèle, qu'un modèle, c'est quelque chose qui est très figé et que d'abord je ne me reconnais pas. Je ne peux pas parler de mobilité et me reconnaître dans ce qui est figé. Voilà, à l'inverse d'une modélisation qui est vraiment voilà, une construction et une proposition. Et voilà, donc c'est sans doute tout à fait perfectible. Ce que je voulais faire figurer, et d'où l'image de la pyramide, c'est montrer déjà que l'autonomie des personnes, qui est le haut de la pyramide, dépend de plein de niveaux dans la pyramide sous-jacent. Hein, voilà, que à la base de tout, il y a les représentations sociales et les actions structurelles. Parce qu'elles vont jouer sur les pratiques professionnelles, elles vont jouer sur ce que les personnes elles-mêmes ont intériorisé de leur situation, parce qu'elles font partie elles-mêmes de la société, évidemment. Au milieu, c'est les pratiques professionnelles qui permettent, voilà, et qui permettent de favoriser l'autonomie, ou en tout cas de ne pas lui porter atteinte. Je crois que c'est déjà ça, c'est pas mal comme objectif. Et le dernier étage de la pyramide, c'est les aptitudes individuelles des personnes concernées. Donc sur le plan sociétal, il faut des orientations législatives favorables, des stratégies de compensation, des politiques proactives en termes de participation sociale, évidemment. Ensuite, au niveau des relais interindividuels que sont les pratiques professionnelles, il faut des accompagnements qui favorisent l'autodétermination, la participation individuelle des personnes, qu'on les outille, qu'on cherche à soutenir leur estime d'elles-mêmes, et cela à coup de rétroaction positive, quitte à supporter une dose de risque d'ailleurs, ce qui n'est pas évident dans ces champs-là. Et puis, alors là, c'est une notion que j'ai identifiée dans le champ de la psychiatrie, mais qui me paraît valoir dans tous les contextes. En fait, il y a aussi un enjeu qui est le fait de ne pas hésiter à recourir aux accompagnements. Et pour ça, il faut que les personnes, elles se sentent en sécurité, sur tous les plans dans ces accompagnements et en particulier en sécurité émotionnelle. Et dans la littérature, voilà, on a développé du trauma-informed care, qui, bon, ça vient de la psychiatrie, c'est pour ça qu'il réfère au trauma, mais en tout cas, c'est des pratiques professionnelles qui font vraiment attention à ne pas porter atteinte au sentiment d'autonomie des personnes, parce que eux, ils considèrent que les personnes traumatisées sont hyper réactives aux atteintes à l'autonomie. Mais je pense que ça vaut dans tous les contextes, indépendamment d'avoir vécu des traumas précédemment. Donc, je pense aussi que, aussi parce que, toujours parce que la sécurité émotionnelle des personnes est très importante. J'ai fait figurer la réflexivité des professionnels, c'est-à-dire pas seulement des professionnels en capacité de réinterroger leur propre posture, mais une réflexivité plus importante, plus radicale, c'est-à-dire qu'ils soient capables aussi de réinterroger les normes et les valeurs de leur profession. Et puis du côté des personnes concernées, ça demande de la connaissance de soi, de l'affirmation de soi, de l'estime de soi, évidemment. Mais j'ai aussi fait apparaître une dimension plus collective, parce que les personnes ne sont pas seulement les bénéficiaires des accompagnements, elles ont aussi un rôle à jouer, dans l'environnement. Pour proposer de nouvelles ressources, notamment, bon, ça c'est mon dada, hein, des ressources épistémiques, c'est-à-dire des nouveaux savoirs, des nouvelles manières, des nouvelles lectures sur nouvelles interprétations de leur réalité. Et mais elles ont aussi, voilà, des tas d'actions à mener, et notamment des actions d'entraide sous forme de père aidance. Voilà. Donc, je pense que voilà, cet ensemble. Traverse les différents contextes. Mais en synthèse, en fait, ce que j'ai vraiment essayé de dire, enfin, en tout cas, la philosophie, hein, de tout ça, c'est de présenter l'autonomie comme un droit moral, aussi comme un besoin fondamental de chaque personne qui passe par la production d'elle-même, par la reconnaissance de son individualité. Et par la reconnaissance de sa légitimité à obtenir des droits qui lui permettent de vivre dignement et dignement dans la société. Ça, c'est important aussi. En gros, ça s'oppose aux philosophies de l'autonomie qui sont d'inspiration utilitariste ou palliative. Utilitariste, c'est-à-dire des approches qui n'envisagent l'autonomie que comme un moyen pour améliorer l'adhésion des personnes à leurs soins ou à leurs accompagnements. Et quant aux visions palliatives, c'est celles qui ne l'invoquent que pour pallier des pertes fonctionnelles et qui font surtout de l'autonomie un état complètement objectivable. Je crois que c'est ça vraiment que je cherchais à dire. Ok, eh bien, je te remercie pour tous ces détails. On va passer à une autre partie de l'émission et ça va être à ma collègue Marianne Vigneulle de nous présenter un petit moment de transition avec sa recommandation culturelle. Je lui laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est d'un personnage de fiction documentaire que tu connais, Olivia, dont je vais parler aujourd'hui. Ce personnage s'appelle Alice Rivière. Il apparaît pour la première fois en 2009 dans le roman d'Émilie Hermant, Réveiller l'aurore. L'aurore, pardon. Et il fait pour moi fortement écho à l'échange d'aujourd'hui sur la notion d'autonomie. Dans Réveiller l'aurore, Alice apprend qu'elle est porteuse du gène de la maladie de Huntington, une maladie génétique neuroévolutive. C'est un diagnostic qui bouleverse sa vie et constitue le point de départ d'un cheminement pour se réapproprier son avenir face à cette annonce. Alice Rivière poursuit ses aventures dans le roman Pas moi, puis devient autrice-narratrice dans les livres Manifeste de Ding Dang Dong et Anouk. Dans le Manifeste de Ding Dang Dong, Alice Rivière explique que le test présymptomatique pour la maladie de Huntington est en soi un dispositif qui transforme, altère profondément l'existence et fabrique de la maladie de Huntington avant même l'apparition des premiers symptômes. Il assigne la personne à un avenir de dégénérescence physique et cognitive et ferme d'emblée, avec l'autorité du savoir médical, toutes les possibilités de considérer autrement Huntington que comme une tragédie. Elle écrit « Il a fallu 4 ans pour me soigner, non pas de la maladie de Huntington, mais des conséquences psychologiques que les paroles prononcées au moment du test ont eues sur moi. » Elle choisit alors de ne pas se laisser définir par cette annonce. Plutôt que de subir la vision effrayante et fataliste véhiculée par les discours médicaux, elle propose une vision différente. Elle choisit de voir la maladie comme un territoire à explorer, une aventure personnelle, mais aussi collective. Alice Rivière va alors sortir des pages des livres pour rejoindre d'autres espaces de narration, de dialogue et de pensée. Elle prend vie dans des conférences, des lectures, des workshops, des rencontres. Elle cofonde le collectif Ding Dang Dong, qui travaille à une redéfinition des savoirs sur la maladie de Huntington avec les personnes directement touchées, mais aussi avec des artistes, des philosophes, des chercheurs. Le collectif se consacre à l'exploration des façons de vivre avec cette maladie en adoptant des méthodes et des techniques suffisamment sensibles pour ne pas en écraser les singularités. Il crée une nouvelle forme de documentation personnelle, mouvante et ouverte, fabriquant peu à peu une culture de Huntington dans laquelle la malédiction n'est plus le discours dominant. Alice Rivière est ainsi bien davantage qu'une figure littéraire ou qu'un pseudonyme pour son autrice. C'est un personnage qui incarne une exploration qui résonne au-delà de la fiction et ouvre l'espace d'imagination nécessaire pour penser différemment non seulement la maladie de Huntington, mais aussi au-delà. Par la puissance de la fabulation, Alice Rivière invite à dépasser l'assignation et à se réapproprier son corps, ses choix et son avenir. Okay. Merci beaucoup pour cette petite capsule de recommandation, Marianne. J'invite les spectateurs et les spectatrices à attendre quelques, on va dire une minute, pour que nous fassions notre pause technique et qu'on se prépare tout ensemble pour la suite de l'émission, c'est-à-dire la table ronde où on va pouvoir échanger avec d'autres intervenantes sur le livre que vous a présenté Olivia. Donc, je vous dis à tout de suite. On va couper juste une petite minute. Merci beaucoup. Voilà, on reprend pour cette seconde partie d'émission. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Anne-Geneviève Moilic, enseignante spécialisée travaillant auprès d'enfants autistes en école maternelle. Laetitia Rebord, père aidante et formatrice spécialisée dans l'accompagnement à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Et Éléonore Sécard, chercheuse associée à la chaire engagement des patients, LEPS, spécialisée dans le transfert des innovations dans le domaine du handicap et qui travaille plus particulièrement à la FIRA. Et je ne l'avais pas encore mentionné, vous travaillez aussi également au sein du projet à Atori avec Olivia. Donc, comme je l'ai déjà précisé, il s'agit d'un panel qui va nous permettre de discuter un peu plus précisément de l'accompagnement dans le secteur du handicap. Et je vais commencer par poser des questions aux intervenantes qui vont leur permettre de se présenter. Puis je leur proposerai ensuite deux questions transverses qui touchent les préoccupations de chacune autour du travail. Tu disais, tu es enseignant spécialisé dans le primaire, tu travailles auprès d'enfants autistes. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de la façon dont est conçue et structurée l'éducation primaire à destination des enfants autistes, à la fois d'un point de vue organisationnel général, dans les objectifs pédagogiques et dans les pratiques professionnelles attendues, et puis nous dire aussi en même temps où tu te situes dans ce paysage, à quoi ressemblent un peu tes activités? Alors, pour ma part, donc, je suis enseignante dans un dispositif ULIS maternel, dans lequel nous accueillons des enfants présentant des troubles du spectre de l'autisme. Le fonctionnement de ce dispositif consiste en l'accueil donc sur certains temps du quotidien des enfants, mais surtout, ces enfants sont inscrits dans leur classe de référence, c'est-à-dire qu'ils se rendent quotidiennement, comme tous les autres enfants, en grande section, moyenne section, petite section, etc. Pour ce qui est de l'accessibilité des apprentissages, des adaptations, ils viennent dans le regroupement spécialisé. Donc, je travaille avec les enseignants en classe ordinaire pour accessibiliser les apprentissages pour ces enfants du mieux possible. Et ces enfants sont également accompagnés lorsqu'ils se rendent en classe par des accompagnantes des AESH ou pas, en fonction des profils des enfants. Parce que les profils des enfants, alors c'est un mot qui n'est pas forcément très heureux, mais sont extrêmement divers. Et il nous appartient aux enseignants, à moi, ainsi qu'aux accompagnantes, d'adapter pour chaque enfant, pour chaque contexte, les apprentissages. Donc, nous nous référons aux recommandations de la Haute Autorité de Santé pour ce qui est de l'organisation, à savoir la structuration de l'espace et du temps. Alors, on travaille avec des méthodes dont vous avez peut-être entendu parler, comme Teach, l'ABA, etc. Mais surtout, on travaille sur des domaines comme la communication, ainsi que les interactions sociales, puisque ce sont en général des sujets qui posent problème aux enfants autistes, mais pas toujours. Donc, en fonction de cela, nous adaptons. Et alors, je ne sais pas si j'évoque tout de suite ce que m'évoque l'autonomie, ou est-ce qu'on en parlera un peu plus tard. N'hésite pas à commencer tout de suite. Je peux commencer. Donc, en ce qui me concerne, l'autonomie, c'est un sujet, extrêmement complexe, puisque, comme tous les enfants en classe, l'autonomie, c'est surtout à l'école une autonomie des apprentissages. Donc, elle est quand même très relative. Cette émission a été l'occasion pour moi de mettre en perspective la réalité de l'autonomie dans notre quotidien. Donc, pour nous, c'est avant tout permettre aux enfants de se rendre dans une classe et de pouvoir travailler avec d'autres enfants dans les mêmes conditions, ou en tout cas les conditions les plus proches de la classe ordinaire. Donc voilà, j'ai un petit peu débuté ce que m'évoquait tout ce qui a été dit précédemment. Et est-ce que tu veux parler un peu de ton travail au quotidien, un peu plus précisément, ou tu préfères t'arrêter là ? Là, j'ai dit l'essentiel. Oui, pour l'instant, oui. Merci. Très bien, merci. Alors, on va continuer un petit peu ce premier tour de table. Je vais me tourner vers Laetitia. Donc, tu es père aidante et formatrice d'accompagnant, spécialisée dans les questions de vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont s'est développé ce type d'accompagnement et nous expliquer comment tu en es venue, toi, à t'y impliquer professionnellement ? Oui, alors, moi, mon parcours vers, en fait, le rôle de père aidante, professionnel. Alors pourquoi j'insiste sur professionnel ? C'est parce qu'on a toujours tendance un petit peu à croire que la pérédance, c'est bénévole, c'est on va dire souvent perçu comme ça. Donc voilà, moi c'est aussi mon métier. Et donc en fait tout ce parcours il s'est construit petit à petit par rapport à mon propre vécu, à mes rencontres aussi avec des pères, donc des personnes en situation de handicap qui sont confrontées depuis longtemps, comme moi, aux difficultés d'accès vraiment à la vie affective et sexuelle. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai une maladie génétique, donc une amyotrophie spinale, donc c'est un handicap qui me donne un handicap moteur. Je suis entièrement physiquement dépendante, j'ai une dépendance vital à tous les gestes de la vie quotidienne. Et donc, j'ai besoin d'assistance pour tous les gestes, en fait, de la vie quotidienne. Voilà, ça, c'était pour le présenter rapidement. En gros, comment j'en suis venue à ça ? Ben, c'est tout simplement, à l'époque, j'avais un manque criant, vraiment, de ressources. de soutien dans le domaine de la sexualité, de la vie affective et sexuelle. À l'époque, j'ai rencontré notamment Marcel Duss, qui est un grand défenseur des libertés sexuelles des personnes handicapées. Et puis ensuite, petit à petit, avec mon intérêt grandissant pour la santé sexuelle et ma propre expérience de difficulté d'accès à cette sexualité. Et finalement, j'y suis parvenue. Et quand j'y suis parvenue, j'ai décidé, on va dire, de transformer un peu ces savoirs en une opportunité de pouvoir aider et écouter mes pairs, ce dont, en fait, moi-même, j'ai manqué à une époque où j'en aurais eu vraiment besoin. Et donc, tout ce cheminement, il m'a poussée à me former ou à me professionnaliser plutôt dans cet accompagnement assez spécifique. Alors, moi, ça faisait longtemps que la pérédance bénévole, j'en faisais. Hein, je participais à de nombreuses conférences, j'allais dans des associations. Voilà. Mais je voulais vraiment professionnaliser. Donc, j'ai passé un diplôme de pérédance très généraliste qui s'appelle Personne experte en situation de handicap, que j'ai voilà, vraiment. C'est là où j'ai. J'ai pas appris grand-chose, pour vous dire, avec ce diplôme. Mais en France, si on n'a pas de diplôme, voilà, la légitimité, eh bien, on l'a beaucoup moins. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai passé ce diplôme. Et donc, en fait, un aspect vraiment essentiel de mon parcours et de mon approche, c'est que j'ai la conviction profonde que les savoirs vraiment issus de l'expérience des personnes directement concernées, j'insiste sur le directement parce que j'ai déjà entendu des personnes qui, notamment l'entourage, des familles, des professionnels, qui me disaient être aussi concernés, mais moi j'insiste sur le directement. Et pour moi, ces savoirs sont indispensables. Voilà. Et donc mon expérience, elle m'a appris toujours que ce sont les personnes directement confrontés à tous ces enjeux, qui sont les premiers experts de leur propre vie et qui détiennent ces savoirs essentiels justement pour enrichir et transformer les pratiques d'accompagnement. Et c'est donc pourquoi je me suis investie après dans la pérédance pour valoriser ces savoirs qui apportent des perspectives dans la vie irremplaçables. Voilà, c'est comme ça que j'en suis venue jusqu'ici. Je te remercie. Juste pour la suite, je pense que ton micro est peut-être un tout petit peu mal placé parfois. Du coup, il y a des petits sauts, le son baisse un petit peu et à des moments, tant mieux, tant mieux. Peut-être un petit problème de stabilité. Donc, si tu as une façon de le stabiliser, n'hésite pas à le faire. Mais sinon, je rattraperai avec les outils. Mais merci beaucoup pour cette présentation. Je continue du coup avec Éléonore. Toi, tu es plutôt du côté de la recherche et tu as travaillé sur ce qu'on appelle le transfert des innovations dans le champ du handicap. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le transfert des innovations? De quelle innovation on parle? Est-ce que ce transfert a plutôt lieu vers les professionnels ou vers les usagers? Et quelles sont les conclusions que tu tires de tes recherches sur le sujet? Et est-ce que tu réutilises ces données au sein du projet Atori sur lequel tu travailles avec Olivia? Déjà, bonjour à tous et puis merci pour cette invitation pour parler de ce fabuleux sujet et très très complexe de l'autonomie. Donc effectivement, je travaille au sein de, notamment, parce que donc j'interviens ici hein, au titre de deux casquettes, mais donc une de mes casquettes, c'est je travaille au sein de la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, qui a été créée il y a maintenant une quinzaine d'années sur un constat qui est le vide entre recherche et terrain, avec donc la volonté de un peu combler ce fossé par différentes actions. Une première action qui est le financement de recherche participative. Alors, on l'a un petit peu évoqué, je pense qu'on va le réévoquer, c'est extrêmement important dans tous les domaines, mais d'autant plus dans le champ du handicap, et des recherches appliquées pour que, dès le démarrage de la recherche, on ait l'idée de comment on va rendre cette recherche utile in fine pour les acteurs de terrain, pour les personnes, voilà, pour l'ensemble de l'écosystème qui aura besoin de ces recherches. Une deuxième action qui est celle du transfert de connaissances, donc plus largement, comment essayer que toutes les recherches, in fine, arrivent à être captées par le terrain et à se rendre opérantes, utiles, actionnables. Et puis un troisième axe donc, que je développe justement de transfert des innovations, qui est un petit peu décalé et qui parle d'un autre constat, en tout cas déjà d'une ambition. C'est de voir comment faire que les accompagnements des personnes en situation de handicap soient plus conformes à ce qu'on attend. Et là, nous, au sein de la FIRA, il y a un ADN un peu qui est lié à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées avec ses principes. Donc, comment rendre l'accompagnement des personnes en situation de handicap conforme à ces grands principes et on a fait un constat, et on est évidemment nombreux à le faire, de se dire, bon, certes, il y a la recherche, on peut inventer, créer des nouvelles solutions, mais en fait, il y a une particularité extrêmement forte dans le champ du handicap, et ça rejoint, je trouve, un petit peu ce qu'a dit Laetitia, c'est qu'il existe déjà sur le terrain de nombreuses réponses, parce que les personnes elles-mêmes sont confrontées à des situations. Et il y a toute une richesse d'ajustement, d'adaptation, de réponse par les personnes elles-mêmes. Et je rajoute bien sûr après par l'entourage, par les professionnels, par tous les acteurs au niveau de l'écosystème sur le territoire en question, ce que nous, on appelle des innovations. Et donc, ces innovations qui sont vraiment issues, je dirais, de la vraie vie, qui sont même souvent des innovations un peu de survie, je crois que c'est Edgardien qui utilise cette terminologie-là, sont tout à fait en phase avec cette convention. Et si on voulait accélérer la transformation de la société, eh bien, il faudrait être capable de déployer ces innovations dans des nouveaux contextes. Donc, pour maximiser en fait leur impact sur plus de territoires, peut-être auprès de plus de populations, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle transfert des innovations. On développe un programme pour essayer d'accompagner les acteurs de terrain dans cette action-là, dans ce mouvement-là. Encore une fois, pour accélérer la transformation qu'on attend de la société. Par rapport, donc voilà, l'autre casquette, hein, c'est en tant que chercheur associé à la chaire Engagement des patients, qui est pilotée par Olivia. Donc, sur le projet Atori, qui a été financé par le PPR Autonomie, qui vise à aller regarder et puis, in fine, à apporter des recommandations, des pistes dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Au regard de cette question de l'autonomie, de la considération, de la prise en considération, de la prise en considération de l'autonomie. Et donc là, à la différence de ce que je viens d'expliquer sur le transfert des innovations, on est vraiment dans le cadre d'une recherche pour produire des résultats probants qui vont nous servir après dans les interventions qu'on pourrait faire, etc., notamment auprès des professionnels. Et c'est vrai que dans le cadre, et peut-être qu'Olivia pourra réenchaîner là-dessus, mais dans le cadre du projet Atori, on est extrêmement soucieux, Olivia l'est de par aussi toutes les recherches qu'elle a faites et par le reste, l'ensemble du consortium également, hein, on est extrêmement soucieux de l'effet utile que ça aura in fine sur le terrain auprès des personnes, auprès des professionnels qui vont qui mettent déjà en œuvre des pratiques, mais pour voir comment est-ce qu'on peut aider à réfléchir à ces pratiques. Donc voilà, il y a une grande attention qui est portée à ça, et notamment dans le consortium, parmi nos partenaires, il y a des représentants des professionnels de terrain pour essayer du mieux possible de produire des résultats utiles et appropriés aux attentes du terrain, et que directement il y ait des organisations qui puissent s'en emparer pour essayer de les diffuser, les disséminer au mieux. Et Elona, est-ce que tu avais fini ce que tu voulais te présenter ou... Oui, je voulais peut-être donner en deux mots, moi, mon aperçu peut-être de ce que m'évoque l'autonomie. Oui, ce serait très bien. Super. Alors, est-ce que je peux, Marcel, avoir l'image, enfin, la peinture de Gustave Caillebotte, les raboteurs de parquet? Super. Alors, avant qu'elle arrive, donc la première évocation pour moi, l'autonomie, c'est que je rattache ça directement Alors, et ça, c'est indépendamment de ce que vous allez voir apparaître à l'écran, mais à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, hein, qui est un des principes. Donc, voilà, ça s'ancre pour moi directement dans cette logique de droit. Et on reviendra peut-être après des différentes perspectives de l'autonomie, mais pour moi, c'est une perspective qui est absolument clé et fondamentale. Aussi dans le sens où voilà, ça fait partie, Olivia l'a dit en première partie, des choses qui ne se remettent pas en question, qui ne se discutent pas, ça fait partie de la dignité et des choses qui doivent être établies. Et la deuxième chose que m'évoque ce concept, cette notion si difficile de l'autonomie sur lequel ce concept, cette notion pardon, sur laquelle on travaille depuis maintenant presque 2 ans au sein du projet Atori. Donc là, on voit apparaître à l'écran, c'est ça? Super. C'est, en fait, j'aime beaucoup cette peinture de Gustave Caillebotte qui date de la fin du 19e siècle et qui, pour moi, traduit voilà, vraiment cette notion de l'autonomie où donc Caillebotte a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel, mais qui, à l'époque, a été jugé tout à fait trivial, vulgaire, c'est à s'intéresser à un sujet auquel personne ne s'intéressait. On était plutôt à l'époque sur des peintures d'histoire, de guerre, de religion, de nature morte, etc. Et là, en fait, il s'est intéressé à des travailleurs manuels qui sont en train de raboter un parquet. Donc, des choses de la vraie vie, des choses modestes, des choses petites. Et il me semble que quand on veut s'intéresser à la question de l'autonomie, c'est dans ce chemin-là qu'il faut se mettre un petit peu. C'est avec beaucoup d'humilité, aller regarder les petites choses. Hein, l'autonomie, les problèmes d'autonomie se révèlent quand on la perd justement. Et là, c'est plus, ça peut se passer dans les grandes décisions, etc., mais ça peut être aussi dans les mini-actes de la vie quotidienne. On prend souvent l'exemple au sein du projet Atori d'une personne qui n'arrivera plus à porter les cuillères à la bouche de nourriture par elle-même, donc à se nourrir par elle-même, et ben il va falloir aller réfléchir l'autonomie dans chaque cuillère que peut-être une personne va l'aider à prendre pour savoir à chaque cuillère si la personne est bien d'accord de manger à ce moment-là, cette quantité, à ce rythme, cette partie de l'assiette, voilà. Donc, on est vraiment dans les petites choses. Voilà ma pour peut-être donner juste une vision très rapide de ma notion de l'autonomie. Et merci beaucoup pour cette présentation et cette transition vers la question d'autonomie. Maintenant qu'on est un peu toutes présentées, je voudrais en venir sur les questions qui vont vous permettre de discuter ensemble un peu les problématiques transverses. De toujours continuer à échanger autour des conclusions d'Olivia dans le livre qu'elle nous a présenté ce soir. Comme je l'ai précisé, c'est un ouvrage qui a pour but de servir à l'amélioration des pratiques d'accompagnement, quel que soit le secteur concerné. Donc c'est un outil d'information, un outil de formation, de réflexion à travers la mise en lumière de la notion d'autonomie et de ses usages. Il y a 2 points centraux sur lesquels j'aimerais vous interroger. La modélisation synthétique que propose Olivia et la perspective des mobilités des personnes comme nouveau paradigme de l'accompagnement. Donc, on va commencer par la modélisation que propose Olivia. Donc, on l'avait affichée tout à l'heure et vous avez eu l'occasion de la voir. Donc, je pense qu'on ne va pas la reprojeter, on va rester tout ensemble. Comment est-ce que cette modélisation de la notion d'autonomie potentiellement éclaire vos pratiques, vous a fait réfléchir? Donc, quand je dis pratique, ça va être accompagnement, mais aussi recherche ou formation en fonction de la façon dont vous positionnez et donc de vos trajectoires professionnelles. Est-ce que cette modélisation va vous donner des clés? Vous avez la sensation qu'elle vous offre de nouvelles façons de penser certaines difficultés que vous pouvez rencontrer? Est-ce que vous auriez envie d'y ajouter des éléments, par exemple? Donc, voilà, je vous laisse un petit peu prendre la main et je ferai circuler la parole s'il y a besoin. Puisqu'il est question dans mon métier, dans mon domaine d'activité, d'enfant, la notion d'autonomie, elle est quand même particulière, enfin, elle est particulière de toute façon à chacun, à chacune. Mais encore une fois, c'est une autonomie au sein de l'école, au sein de l'institution école, qui est quand même très encadrée. Et donc, j'ai attentivement regardé, lu la modélisation proposée. Alors, ça m'interroge effectivement sur mes pratiques, sur nos pratiques. Et puis, il y a de la matière, hein, puisque l'autonomie, au sein même de l'école, c'est un sujet qui est très, qui est questionné d'une certaine manière. Comment dire, Philippe Mérieux parlait souvent dans. En matière d'autonomie, de débrouillardise, c'est vrai que c'est un petit peu la conception qu'on en a dans le quotidien. Et c'est vrai qu'il serait intéressant de poser l'autonomie et de savoir ce qu'on met derrière ce mot-là, puisque si j'interroge mes collègues enseignants, je pense que je vais avoir autant de réponses que comment dire, que de personnes. Donc il y a déjà une première étape, à mon sens, avant de. Et pour ma part, effectivement, la modélisation m'intéresse dans la mesure où ça permettrait d'harmoniser aussi des comportements, des postures et un travail peut-être plus efficace avec les enfants. Voilà, dans un premier temps, ce que ça m'évoque. J'ai consacré un chapitre aux enfants dans mon livre. Et autant je suis gênée d'habitude quand on cherche à développer l'autonomie des personnes, parce que souvent c'est un projet qui est fait à l'insu des personnes, et puis, enfin, voilà, et puis souvent dans une visée assez utilitariste. Autant pour les enfants, je pense que c'est différent, parce que ça me paraît l'objectif pour tous les enfants sur Terre, voilà, qu'on développe leur autonomie. Donc du coup, je suis moins gênée quand on cherche à développer celle des enfants en situation de handicap. Voilà, et je pense que ce qu'il faut réfléchir, bon, au-delà de pédagogie universelle et de plein de choses qu'on connaît, c'est aussi un alignement entre les fins et les moyens, c'est-à-dire. Si l'objectif est l'autonomie, eh bien les moyens pour y arriver doivent passer par de l'autonomie aussi. Vous voyez, cette espèce de cohérence, cohérence. Voilà. Et je pense aussi, après, il y a plein de choses hein, pour l'école et les enfants aussi. Mais ça, rien de très original. Mais voilà, il manque de rôle modèle. Tant qu'il n'y a pas d'enseignants en situation de handicap connus. En tout cas, parce qu'ils sont peut-être, il y a peut-être des handicaps invisibles, mais ça a besoin d'être su. Voilà, puis il faut des handicaps visibles, il faut des handicaps connus. Voilà, ces rôles modèles, pas seulement pour les enfants en situation de handicap, hein, pour la société entière. Voilà, ça me paraît un requis absolument nécessaire. Et je ne comprends pas que ça soit pas. Voilà, l'école continue d'être en deçà. De l'attendu, alors qu'il doit, c'est là qu'il va se jouer énormément de choses. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vu de l'extérieur, ça surprend. Alors, moi, juste avant de répondre plus précisément à la question, je voulais revenir un peu sur cette rapidement hein, sur cette différence dont a parlé aussi Olivia entre autonomie et indépendance. Alors, j'entends vraiment tout ce que tu dis, Olivia, sur la manière de certains pros, j'ai l'habitude aussi, de l'utiliser à leur avantage, en fait, pour justifier certaines pratiques. Mais à la fois, je pense que ça peut être extrêmement important de rappeler cette différence, justement pour redonner du pouvoir aux personnes directement concernées. Par exemple, personnellement, tout le monde pense dans la rue hein, que je ne peux pas du tout être autonome, vu ma situation physique. Parce que je suis 100% dépendante. Mais pourtant, voilà, ce que j'explique la plupart du temps, et d'ailleurs aussi à mes pères quand je fais de l'accompagnement, c'est que l'autonomie, c'est que je gère ma vie, c'est que c'est moi qui gère mes aides humaines, la façon dont j'ai envie, dont ces personnes s'occupent de moi, qui prend des décisions sur mon environnement, sur mon couple, etc., ma sexualité. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut pas toujours faire cette différence en mode attention, on ne peut pas trop avancer, mais rien que pour redonner un petit peu du pouvoir. Voilà. J'avais juste envie de dire ça avant de répondre précisément à la question. Donc, bien sûr que pour moi, La modélisation que tu as proposée, elle fait évidemment écho à mes pratiques de père aidance. En fait, dans mon travail, je soutiens vraiment non seulement la capacité de mes pères à faire des choix. Quand je dis faire des choix, c'est faire des choix éclairés. Parce que, par exemple, des personnes ont été depuis très longtemps en institution, elles ont tellement peu de choix qu'elles ont l'impression d'avoir le choix, mais comme on ne leur a pas donné d'autres, et bien finalement, leur choix n'est pas éclairé. Donc voilà. Et puis, je les aide aussi à mettre en œuvre ces choix dans leur vie quotidienne, malgré certains défis à cause du handicap. Alors, j'aimerais me baser un petit peu sur des exemples assez concrets. Il persiste en fait dans notre société, je dirais, une volonté quand même assez implicite de maintenir certaines populations, hein, notamment les personnes handicapées, dans l'ignorance, notamment en refusant un accès équitable à ce savoir. Hein, donc ce choix institutionnel, il concerne les personnes en situation de handicap, et il révèle un paradoxe, je dirais vraiment. C'est que ce paradoxe, c'est quoi? C'est que bien que le savoir il soit perçu comme justement vecteur d'émancipation, eh ben, il est aussi absolument redouté par son potentiel de rébellion et de remise en question en fait, des structures qui sont en place. Et par exemple, actuellement, les MDPH, hein, les maisons départementales des personnes handicapées, eh ben, elles priorisent souvent les institutions, elles proposent en premier lieu les institutions au détriment des autres initiatives individuelles de droit commun. Et du coup, elles limitent la liberté d'autodétermination et d'empowerment des personnes handicapées. Et pour moi, cette priorisation, elle se révèle bien, enfin, elle se reflète plutôt dans les modes de financement qui vont privilégier certaines structures, plutôt, par exemple, que les aides humaines en droit commun. Donc ça, c'est un des exemples. Ensuite, il y a un autre exemple, c'est de cette exclusion qui se trouve dans le manque de financement pour l'accompagnement des étudiants handicapés en post-bac. Pourquoi je dis ça? C'est parce que concrètement, actuellement, même s'il est complètement insuffisant, je vous l'accorde, il existe quand même un dispositif, les AESH, de financement pour accompagner les enfants en situation de handicap jusqu'à la fin du lycée. Uniquement, à la suite, absolument aucun financement n'est prévu spécifiquement dans le but d'accompagner dans les études dites supérieures. Et ça, ce n'est pas un hasard, du coup, s'il y a si peu de personnes handicapées qui sont formées et qui peuvent accéder vraiment à des postes qualifiés. C'est parce qu'on les maintient aussi là-dedans. Et pour moi, le parcours des études, le parcours en gros académique, c'est un tremplin justement vers l'autonomie et l'émancipation. Et pourtant, tous les jeunes se heurtent à des obstacles majeurs quand on est en situation de... Moi, j'œuvre vraiment en fait pour rendre l'accès au droit commun plus juste. C'est vraiment ce qui m'incline, de donner des informations sur ce qui existe. Et parfois, dans les accompagnements, on me dit « Ah bon, je n'avais même pas été mis au courant. » C'est vraiment, à mon avis, une manière... Pour moi, cette modélisation dont tu parles, Olivia, elle met aussi en lumière l'importance de créer un environnement, justement, qui encourage les personnes vraiment à élargir leurs aspirations, en fait, au-delà de toutes les limitations qui sont imposées par la société et par les expériences éventuellement. Ouais, je reviens beaucoup là-dessus parce que la première chose, effectivement, c'est apprendre, apprendre à vouloir, quoi, oser vouloir. C'est quelque chose, enfin, je pense que voilà, c'est peut-être la marche la plus difficile à franchir quand on a désappris à vouloir, voilà, les choses. On retrouve beaucoup dans autour du handicap, dans le social aussi, voilà, des personnes qui ont désappris à vouloir et à oser aspirer. Donc je te rejoins complètement. Voilà, et dernier petit mot, après j'arrête. C'est juste peut-être ce qui manque. Alors, je ne sais pas, Olivia, je n'ai pas lu complètement ton ouvrage, mais depuis le début de cette conversation, pas une fois, on a parlé de validisme. Hein, le validisme n'a jamais été abordé. Et j'ai envie de dire, contrairement aux autres oppressions systémiques, comme par exemple le sexisme, le racisme, les LGBT-phobies, etc., le validisme, eh ben, il est encore très peu conscientisé. Et je remarque même, avec le temps, qu'il y a beaucoup de frilosité à même simplement évoquer son existence. Donc, moi, j'ai envie de dire, tout ce que tu as dit dans ton livre, dans tes interventions, pour moi, ça découle tout simplement d'une seule et même oppression, en fait. C'est le haut de la pyramide, en fait. Et tout en dessous va se décliner. Oui, effectivement. Ça de... Alors, comme ça, rappelle-toi que la modélisation, elle est intersectorielle. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas figuré dans... Okay. Ça n'y figure pas là. En revanche, dans les pages sur le handicap, c'est très, très largement évoqué à plein d'endroits. Okay. Bien évidemment que c'est très, très important de le révéler, de le dévoiler et de traquer. Et de nommer aussi. Oui, le validisme ou le capacitisme aussi. Oui. Ok, voilà pour moi. Est-ce que, tant qu'on est sur ces notions-là, vous voulez en parler un petit peu, développer? Histoire de présenter, de donner une petite définition. Ah oui, ça, je peux aussi. Je veux donner une définition, oui, tu as raison, parce que c'est important. Donc, en fait, le validisme, comment on peut. On va le définir comme un système d'oppression qui est vraiment subi par les personnes handicapées du fait qu'elles ne correspondent pas aux normes médicales qui établissent la validité. Et en fait, c'est un ensemble de capacités qui seraient, moi je dirais, attendues d'un corps pour qu'il soit considéré comme humain. Donc en fait, l'idéologie du validisme, elle postule que les corps qui ne correspondent pas, et je dis les corps au sens large, hein, ça peut être un dysfonctionnement psychologique, qui ne correspondent pas, ils soient jugés donc, comme ayant moins de valeur, c'est ça en fait, et ils sont naturellement considérés comme inférieurs et donc comme discriminables. Voilà, c'est comme ça que je peux vous donner une définition du validisme. C'est excellent. J'ai juste envie d'ajouter un point, c'est que en fait, on regarde tous le monde à partir de la position qu'on a dans le monde, à partir de notre culture, de notre éducation et à partir de la position socio-économique. Enfin, voilà, et on regarde le monde de là. Donc, les personnes valides ont regardé le monde de leur position et ont projeté des choses et ont une représentation de la réalité. Qui est la leur. Et donc, tout ça est à déconstruire, c'est à réinterroger, parce qu'ils ont produit les normes dominantes et les représentations dominantes, et c'est à réinterroger. C'est-à-dire que le validisme, il peut se cacher derrière des tas de choses, et ça nécessite parfois un vrai travail de déconstruction. Par exemple, il y avait... Voilà, il y a ces idées très fortes que les personnes handicapées, il leur manque quelque chose et qu'elles sont forcément malheureuses et qu'il faut les réparer. Et voilà, ça, c'est typiquement une pensée validiste, voilà, qui émerge d'un point de vue situé sans que ça ait été réinterrogé avec les personnes concernées. Éléonore, est-ce que tu veux du coup à ton tour répondre un peu à cette question face à la modélisation? J'imagine que peut-être pour toi tu as une autre façon d'aborder la question. Non, pas forcément une autre façon. Je rebondis juste sur ce qui s'est dit précédemment. Je trouve que ça rejoint aussi les notions de stigmate qu'a développé Goffman, hein, qui explique aussi bien ça et que ça conduit à des comportements discriminants. Et pour ça, moi, j'aime beaucoup aussi tu l'as cité, je crois, tout à l'heure, Olivia Canguilhem, hein, donc médecin philosophe dans les années 1960, je crois, qui parlait des différentes allures de la vie dans sa notion de normativité. Et j'aime énormément cette expression qui montre bien que pour remplir une fonction, voilà, le corps a des fonctions, mais en fait, ça peut prendre une infinité d'allures, et c'est un peu les logiques de statistiques de faire entrer dans les normes qui a fait qu'on a mis dans des cases, et de là naît un certain nombre de choses. Moi, je reviendrai sur ces questions de de choix, d'élargir les aspirations, de ne pas être mis dans une case, de ne pas être stigmatisé. Quand on reparlera aussi de cette question des mobilités que je trouve extrêmement intéressant et qui pour moi est le point clé en fait dans le champ du handicap, et je reviendrai avec un terme aussi d'opportunité. Par rapport à cette modélisation, je trouve ça effectivement extrêmement intéressant. On part d'une notion bloc sur laquelle on n'a pas de prise. On voit qu'il y a énormément d'usages, de définitions. Et en fait, grâce à cette modélisation, on essaye de découper un petit peu les choses en étapes, en dimensions. Et donc, ça permet une approche plus fine et justement, comme vous disiez, Geneviève, peut-être d'harmoniser quand on parle ensemble de quelque chose. Donc, voilà, pour moi, c'est un guide à la réflexion. Qui est tout à fait intéressant. Et dans cette modélisation, il y a plusieurs choses qui me semblent extrêmement importantes. C'est ce côté écosystémique, macro, méso, micro, où on voit que ça montre schématiquement que l'autonomie n'est pas de la responsabilité de l'individu, mais d'interaction à différents niveaux entre, bien sûr, les caractéristiques personnelles de l'individu, mais aussi de la société. Mais aussi, on voit dans les relations, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, dans les relations d'accompagnement, où il peut se passer des choses par rapport à cette autonomie. Donc voilà, ça remet un petit peu tout ça. Et je trouve que ça, du coup, vient, ça rejoint le modèle interactionniste dans le champ du handicap. D'ailleurs, Odilia, tu le mentionnes hein, dans ton ouvrage de Fougerolas, qui montre bien que les situations de handicap résulte d'interactions entre des caractéristiques très personnelles, donc plutôt la déficience, un ressenti, un certain nombre de choses, avec un environnement et au sens très large, hein, environnement. Alors, j'entends un écho, je ne sais pas si je dois m'arrêter. Ça s'est réglé, je ne sais pas de chez qui ça venait. Tu peux reprendre. Okay. Je continue juste par rapport à ça. Donc, pour moi aussi, peut-être dans cette modélisation, ce qui est important après à réfléchir quand on parle de l'accompagnement des personnes en situation de handicap et par rapport à ce schéma, c'est ces verbes qu'on associe à autonomie qui, pour moi, ont une importance incroyable sur cette question de l'autonomie. Et parce que je pense que selon les situations, il faut se poser la question si on est en train de promouvoir ou entraver, ça c'est vraiment les deux extrêmes, l'autonomie, mais il y a des situations où on est peut-être plutôt sur est-ce qu'on est en train de la soutenir, est-ce qu'on est en train de la respecter ou de la considérer, de reconnaître que là il y a bien une situation d'autonomie. Donc voilà, je pense qu'il y a toute une finesse de verbes associés autour de cette question d'autonomie et qui révèle beaucoup de choses derrière sur la posture qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc, toujours au service hein, de l'autonomie de la personne. Mais ça, voilà, peut-être qu'on va en reparler ou pas. Et puis, un dernier point, parce que je trouve que ça a été, Laetitia, c'est ce que vous avez commencé un peu par ça, si je me souviens bien. Je trouve qu'il est, dans le premier travail hein, qu'on fait nous sur Atori, on met en exergue une chose qui me semble très importante, c'est que autonomie n'utilise un mot. Et en fait, déjà, je pense que dans la façon d'y réfléchir, il y a peut-être une chose qui est importante, c'est de différencier deux angles d'approche différents. On peut parler de la situation d'autonomie et on peut parler vraiment du ressenti, de la perception, du sentiment d'autonomie de la personne. Et ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est extrêmement important de préciser, quand on parle d'autonomie, quand on veut travailler autour de l'autonomie, de quoi précisément on parle. Parce que comme et c'est vous qui vivez, Laetitia, vous l'avez expliqué, vous ressentez une situation d'autonomie. Or, la situation d'autonomie telle qu'elle peut être vue par une autre personne n'a rien à voir avec votre ressenti. Et de là, je pense, peuvent naître un certain nombre de problématiques et notamment, ça rejoint hein, ces notions de validisme, etc. Donc, je pense que ça, c'est des angles d'approche de l'autonomie qui sont importants de préciser. Et qui peuvent peut-être aider à éclairer un petit peu les discussions, toujours pour arriver à bien se comprendre et à bien s'entendre. Maintenant, je ne suis pas sûre que ça puisse être l'alpha et l'oméga, le sentiment d'autonomie. Parce qu'il y a des personnes qui, pour qui l'autonomie est très importante dans leur vie et qui vont sentir des atteintes à leur sentiment d'autonomie même s'il n'y a pas des grosses atteintes, tandis qu'il y en a d'autres qui ont tellement été habitués à ne pas compter, à ce qu'on ne leur demande pas leur avis, qui, en fait, n'ont pas tellement développé ça. Et sont même très peu réactives aux atteintes, et ni même voilà. Donc leur sentiment d'autonomie. Donc ça ne, à mon avis, on a besoin un peu de tout quoi. Mais on peut pas juste s'appuyer sur le sentiment d'autonomie des personnes. Et puis toujours en réfléchissant à partir des atteintes, même nous tous. Enfin moi, il y a des domaines dans notre vie où si on touche à notre autonomie, c'est pas grave. Et il y en a d'autres où on est très très actif. Donc on n'est pas fait d'un bloc. Mon mari, c'est lui qui décide les programmes télé. Et honnêtement, ça ne me gêne pas. En revanche, voilà, s'il me demande à quelle heure tu rentres, et là, ça m'est insupportable. Vous voyez, on n'est pas fait d'un bloc. Il n'y a pas non plus des personnes autonomes, mais d'autres qui ne le sont pas, quoi. Voilà, il y a des domaines, il y a des. C'est encore plus fin que ça et vraiment complexe, même au niveau individuel, je pense. Alors, je propose qu'on passe à la dernière partie, la dernière question. Donc, on a parlé du paradigme des mobilités tout à l'heure. Olivier l'a présenté. Comment est-ce que dans vos pratiques, donc je rappelle d'accompagnement, de recherche ou de formation, vous faites en sorte de proposer d'aller vers un accompagnement qui permette la mobilité ou du moins d'avoir la mobilité comme un horizon de possibilités. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez développer davantage? Est-ce que vous rencontrez de fortes contraintes à cet égard? Voilà, je vous laisse reprendre le relais. Peut-être Anne, tu veux reprendre la parole si tu es arrivée parmi nous. Oui, alors je voudrais quand même préciser, alors comme je n'ai pas entendu tout ce qui a été dit précédemment, j'ai des petits soucis de connexion visiblement, je redis en fait que j'agis dans un cadre quand même assez contraint et que j'entends tout ce qui a été, enfin, ce que j'ai compris, ce qui a été dit, je l'entends et j'en suis complètement, j'adhère particulièrement à tout ça. D'autant que nos principaux partenaires en tant qu'enseignants d'enfants en situation de handicap sont quand même les familles et que les familles s'ouvrent à nous de leurs difficultés, de leur et que si les enfants n'expriment pas encore les leurs, bon, les familles sont nos interlocuteurs, interlocutrices et qu'elles nous font part de ces problématiques d'autonomie future assez régulièrement. Alors en termes de mobilité, pour l'instant, on va dire que c'est un chantier et que c'est quelque chose sur lequel on travaille par petits pas dans le quotidien. Les mobilités, c'est quelquefois, tout simplement agir dans l'école de manière un petit peu extraordinaire, c'est-à-dire ne pas rester dans les carcans, enfin les carcans en tout cas, tout ce qui est initialement possible et prévu, mais c'est s'autoriser à certaines démarches, travailler avec des personnes qui ne sont pas forcément nos interlocuteurs habituels, et faire venir les familles dans l'école, enfin. Des dispositifs de ce genre, mais encore une fois, voilà, l'institution présente certaines contraintes qui, car bien souvent, elles envisagent justement l'enfant en situation de handicap en potentielle insécurité. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le percevoir, et de ce fait, ne s'autorise pas forcément à sortir très facilement, très aisément de ce fonctionnement. Mais nous, dans le quotidien, on essaie pour les enfants et parce qu'on perçoit aussi dans leur fonctionnement des intérêts pour des choses qui ne sont pas forcément prévues, ben on essaie d'aller vers ce qu'ils manifestent. Voilà ce que je peux dire. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Oui, moi, je veux bien rebondir parce que, notamment sur cette expression-là que j'ai notée, les petits pas dans le quotidien, je raccroche aussi hein, cette notion de mobilité à ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette vision dynamique. Je pense que les réponses viennent probablement de là. Et notamment des opportunités. Moi, j'aime beaucoup cette question des opportunités avec un peu une fusée à trois étages. Vous voyez, il y a être déjà dans un environnement où il y a des opportunités. Et ça, c'est déjà toute une question. Ensuite, que ces opportunités soient bien réelles et ne soient pas entravées, par exemple, dans les relations d'accompagnement. Et ça, c'est déjà toute une question de posture des professionnels. Quand les opportunités sont déjà bien là, premier étage, hein, comment je ne vais pas les entraver? Je reprends mon exemple de la cuillère quand on aide une personne à se nourrir. Comment faire pour que à chaque cuillère, il y ait bien la décision de la personne, toujours, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne quantité, est-ce que c'est la bonne nourriture, etc. pour cette personne. Donc, comment on vient pas entraver une opportunité? Et puis ensuite, comment on vient accompagner dans tout le champ nécessaire par rapport à cette opportunité qui devient une réalisation. Et j'aime bien cette notion d'opportunité parce que par rapport à mobilité, j'entends plutôt un peu des grands événements comme on a parlé, je sais pas moi, l'accès à l'emploi, pouvoir déménager, voilà, des choses comme ça. Or, il me semble que là aussi, je le raccroche au tableau de Caillebotte, ça peut venir se nicher à n'importe quel moment dans les plus petites choses. Et donc, ça donne le courage de s'atteler à cette question de laisser les opportunités, donc laisser exercer l'autonomie, c'est un apprentissage, à tout moment, dans toute situation, même les plus petites, c'est ce que vous venez de dire par rapport à l'école. Je trouve que ça diminue peut-être aussi un petit peu la pression pour les professionnels de se dire, bon ben, c'est une question de probabilité. Je vais essayer de réussir le plus souvent possible, mais des fois, je vais échouer. Parce que, voilà, nous, ce qu'on montre aussi dans la Touris, c'est qu'il y a une pression, il y a des conflits éthiques, parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile quand on a cette volonté d'être au service de l'autonomie. On est en train de travailler avec de l'humain, avec des choses extrêmement complexes sur lesquelles il faut être attentif. Et donc, cette notion d'opportunité, je trouve que ça permet de dire bah, je vais essayer de faire du mieux possible, le plus souvent possible, et puis bah, des fois, je n'y arriverai pas parce que des fois, les situations sont difficiles. Ça, c'est ce qu'on montre aussi, c'est ce que tout le monde va vivre. Il y a des moments où il va y avoir des conflits, on ne va pas savoir ce qu'il faut faire, on ne va pas savoir quoi faire, comment faire. Et ça fait aussi partie de ce métier des accompagnants qui sont au service des personnes en situation de handicap. Et j'aime beaucoup l'ouvrage, l'expression que tu emploies, Olivia, de traquer les. Alors, je sais plus après le manque d'opportunités ou ce qu'il faudrait ne pas aller entraver. Voilà, j'aime bien cette notion. Ça montre. Et là aussi, on revient à ce que je disais tout à l'heure, la posture, le verbe qu'on va associer à autonomie. Traquer, ça veut dire reconnaître, saisir que là, il y a bien une opportunité et qu'il faut pas aller l'entraver. Donc là, on est sur un savoir, vous voyez, très humble, en fait, de vigilance, d'attention, qui n'est pas… Enfin, je pense que ça implique vraiment de soutenir aussi des mobilités émotionnelles, bien sûr, sociales. Mais par exemple, dans mes accompagnements que je fais auprès de mes pères, il y a des choses qui sont ancrées déjà avec la première institution, c'est la famille. Et qui sont parfois difficiles, on va dire, à sortir de ces schémas. Et là, pour moi, il y a une mobilité aussi. Donc, en fait, concrètement, j'encourage les personnes à vraiment envisager des trajectoires qui correspondent à leurs désirs. Alors, quand ils correspondent à leurs désirs, c'est par exemple, j'accompagne souvent des jeunes qui ont à peu près, alors quand je dis des jeunes, ça peut aller de 20, 30 ans, qui sont sortis quand même, on va dire, du cocon familial et qui ont, par exemple, un appartement déjà. Et quand je demande, voilà, qu'est-ce que tu recherches, c'est accéder donc à une vie affective et sexuelle. OK. Et quand je regarde derrière toi, parce que souvent, je vois la caméra, je vois qu'il y a un lit, mais un lit simple. Alors, ça peut vous paraître anecdotique, mais rien que ça, je dis, mais comment tu peux envisager une vie sexuelle si tu as un lit simple? Et là, souvent, ah bah ouais, mais en fait, j'y avais jamais pensé. Et c'est mes parents qui m'ont dit de prendre un lit simple. Donc voilà, on entre à nouveau dans... moi, j'apporte en fait une mobilité. Et la personne, je lui ouvre un champ des possibles, en fait, à ce moment-là. Je lui dis, ah mais oui, mais c'est vrai, puisque si j'ai un lit double, je pourrais accueillir quelqu'un. Ce qu'il n'avait pas, il ou elle n'avait pas forcément envisagé dès le départ, même s'il avait envie de le faire. Donc, en fait, pour moi, elle est là, la mobilité aussi, c'est de s'apercevoir qu'avec le temps, voilà, notre société aussi validiste, certaines limites imposées par les institutions ou même les parents, les proches, ça peut créer des blocages. Et pour moi, il faut déplacer la vision pour aller plus justement vers l'autonomie. Alors, évidemment, dans tout le travail que je fais, je rencontre énormément de contraintes hein, pour revenir aussi à ta question. Alors, d'abord, il y a les barrières institutionnelles. Pour moi, ça reste vraiment... l'institutionnalisation, c'est le facteur numéro un de ne pas parvenir à une autonomie, ou aux autonomies aussi. Ensuite, il y a bien sûr le manque de services adaptés, de tout ce qui est accessibilité, les attitudes validistes encore, mais pour moi, la désinstitutionnalisation, c'est une lutte de tous les instants. Hein. Elle nécessite vraiment des changements de toute façon absolument systémiques et une grande volonté. J'entends tellement ces discours qui disent c'est absolument impossible. Non, c'est pas absolument impossible, mais il faut changer énormément de choses pour y parvenir. Mais la désinstitutionnalisation, pour moi, est le premier vecteur d'autonomie. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. Je voudrais ajouter, oui, là-dessus, bien évidemment, mais préciser aussi, et je crois que c'est le Conseil national des personnes handicapées qui avait souligné ça, que l'institutionnalisation n'est pas qu'en institution, c'est évidemment en institution, mais on peut vivre, on peut être institutionnalisé en famille, on peut être institutionnalisé dans des logements présentés, dans le médico-social présentés comme étant assez inclusifs. En fait, dès lors qu'on vit... et que un endroit où on subit les normes et les règles et qu'elles vous sont imposées, c'est une forme d'institutionnalisation. Donc, il faut vraiment distinguer le lieu d'habitat, en fait, et les normes. Se voir imposer des règles et des normes. Et je pense que c'est intéressant comme grille de lecture aussi. Je te remercie, Olivia. Je vois que tout à l'heure on avait perdu Éléonore. Il nous reste deux petites minutes pour conclure. Est-ce que, parce qu'on va terminer à l'heure, on va libérer nos interprètes. Et de toute façon, on a déjà pas mal échangé. Éléonore, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu avais commencé à dire tout à l'heure? Alors, je ne sais pas jusqu'où vous m'avez entendu, mais je vais plutôt là rebondir par rapport à toutes ces questions. Moi, parce que justement, je profite de la présence d'Anne-Geneviève, mais il y a un point qui, à l'avenir, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, me semble absolument clé, c'est l'école inclusive ou l'école pour tous. C'est quand même là qu'on va préparer à la fois les personnes en situation de handicap à oser espérer avoir des aspirations, à penser à un avenir, à se projeter, etc. Et à la fois préparer les futurs citoyens de demain qui sauront ce que c'est que le handicap. Olivia, tu cites dans le bouquin qu'il y a, je ne sais plus, c'est incroyable, 64% de personnes qui n'ont jamais été côtoyées de personnes en situation de handicap. Et c'est de là que viennent les attitudes peu propices, on va dire, à l'inclusion, et etc. Donc moi, je crois beaucoup à l'école pour tous. Pour ça, si c'est sous réserve, bien sûr, que ce soit bien fait. Je voudrais juste ajouter quelque chose, ce sera très bref. C'est que justement, pour aller vers cette véritable école inclusive, la formation des personnels est un axe majeur à mon sens, puisque c'est ce qui permet justement de mieux connaître, de en tout cas mieux comprendre et de pouvoir penser autonomie au-delà de la formation pour ce qui est des enfants en situation de handicap. Voilà, ça me semble important. Ben, merci en tout cas à toutes d'avoir participé à cette émission. Je vais clôturer rapidement histoire qu'on respecte nos horaires. On aurait pu discuter encore un certain temps et j'espère que vous aurez peut-être d'autres occasions de discuter ensemble si vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a besoin de faire des liens. Mais je vais conclure pour notre public. Donc je voudrais encore une fois vous remercier toutes et merci à Marcel, notre régie que personne n'a vu en live, qui était là et qui a assuré la bonne continuité du direct. Je voudrais remercier également nos interprètes de SILS Interprète. Si vous voulez suivre les actualités du PPR Autonomie qui donc tient cette chaîne, je vous invite à visiter la barre d'infos et à faire votre petit marché, aller voir notre site, à vous abonner à notre newsletter et bien sûr à la chaîne et à nos réseaux sociaux. Notre prochaine émission aura lieu le 6 décembre avec Cyril Desjeux sur son ouvrage Le handicap au pouvoir. Elle sera animée par ma collègue Marie Assaf. Elle portera sur l'accès illimité à la participation politique des personnes en situation de handicap. En attendant, si la première émission vous intéresse, son compte rendu sera bientôt en ligne sur le site internet du PPR, de même que le compte rendu de cette présente émission que je produirai dans les jours ou les semaines à venir. Je vous remercie en tout cas d'avoir été patient avec nos petits problèmes de logistique. On s'améliore d'émission en émission. Voilà, encore merci et bonne soirée à toutes et tous.